France Inter, franceinter.com. Quelques jours près, c'était donc il y a 20 ans. La révolution roumaine, la révolution en direct, comme on l'a appelée. Car les caméras de télévision omniprésentes ont joué un grand rôle dans le déroulement de l'événement, distribuant sans compter images et commentaires. Et pourtant, certaines images mentaient. Quant aux commentaires, quand ils n'étaient pas approximatifs, ils étaient tout simplement fantaisiste. Il suffit pour s'en persuader de se rappeler la fable des 60 000 morts abondamment véhiculée par les télévisions du monde entier. Mais comment s'en étonner ? La révolution roumaine était aussi une révolution en trompe-l'œil, une super-production mise en scène de main de maître, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec M. X. Auparavant, un rappel. La semaine passée, mon interlocuteur a énuméré un certain nombre de faits curieux qui annonçaient l'épilogue, la chute du dictateur Ceaușescu. Mais le conducateur ou le génie des Carpates, comme une presse aux ordres n'hésitait pas à le nommer, dûment prévenu des menaces, n'a pas voulu en prendre compte tant il était certain que la Roumanie, anesthésiée sur laquelle il régnait depuis 1965, ne pourrait jamais se révolter. Il comptait essentiellement sur sa police, la fameuse Securitate, qui surveillait et terrorisait toute la population. Mais, nous allons le voir, le ver était dans le fruit et l'affaire était préparée de longue date. Așa-i lumea trecătoare, unii naște, alta moare. Îl de naște, oh, au chinuiește, îl de moare. Putrezește. Putrezește. L'étincelle, je vous l'ai dit dans mon précédent entretien, ça a été dans les derniers mois de 1989, la rébellion de Laszlo Tokes, un pasteur protestant de Timișoara. Oui, c'est une ville située non loin de la frontière hongroise. Hein. Et où vivaient de nombreux Roumains d'origine hongroise qui aspiraient à rejoindre la mère patrie. Et Tokes, lui, appuyait avec force cette revendication. Hein. Tout à fait. Mais vous m'avez aussi dit qu'il avait été manipulé. Il a certainement été incité à prendre cette position. En tout cas, En octobre 89, ce gêneur est prié par la hiérarchie de son église d'aller exercer son ministère ailleurs qu'à Timisoara. Mais il refuse cet exil et s'enferme dans son temple. Ses supérieurs ont agi sur ordre des autorités politiques. Oui, en Roumanie comme dans d'autres pays de l'Est, les autorités religieuses ont souvent collaboré sans état d'âme avec les communistes. Et dans ce cas précis, c'est la Securitat qui a fait pression sur l'évêque de Tokes. Alors, le pasteur est donc retranché dans son temple, c'est ça. Et très étrangement, on lui fait savoir que la Securitat va l'arrêter à la mi-décembre. Et pourquoi c'est étrange, ça? Parce que d'habitude, en Roumanie, on n'est jamais prévenu à l'avance qu'on va être arrêté. Ouais. Il y a donc une fuite? Une fuite délibérée, qui va mettre le feu aux poudres. Parce que dès le 15 décembre, les partisans du pasteur Tokes forment une sorte de chaîne humaine autour du temple. Pour faire obstacle à son arrestation. Naturellement. Là. Mais c'est une manifestation parfaitement pacifique. Or, en même temps, des actes de vandalisme sont perpétrés au centre-ville. Des débordements qui dégénèrent très vite en émeutes et en manifestations dirigées contre le gouvernement. L'armée intervient. D'abord impuissante, elle aurait fini par tirer à balles réelles sur les manifestants. Et il y aura des morts. Oui, des deux côtés. Mais ce n'est malheureusement pas le plus important. Ce qui compte, c'est le retentissement donné à cette affaire par la presse. Et quelle presse alors? Sur ordre des autorités roumaines, le pays est bouclé. Et les seules sources d'information sont les télévisions et les agences de presse des pays voisins, Hongrie et Yougoslavie, relayées par la Voix de l'Amérique ou Radio Free Europe. Oui, ça, ce sont des radios américaines. Oui. Or, très vite, ces organes de presse évoquent des milliers de morts. D'ailleurs, tout le pays serait embrasé par les émeutes et soumis à une répression les plus féroces. Alors qu'on le sait maintenant, il n'en est rien. En tout cas, c'est exagéré dans les proportions inimaginables. Le clou étant la supercherie du fameux charnier de Timisoara. Ouais, quelques cadavres extraits de la morgue. C'est ça. Et des témoins sérieux n'auraient pas manqué d'observer que ces dépouilles ne portaient aucune trace de balle et surtout que ces malheureux étaient morts depuis plusieurs jours. En témoignait leur état de décomposition. Ouais. Il y avait en particulier cette image qui a fait le tour du monde, ce cadavre d'une femme sur laquelle on avait posé le corps d'un bébé. Et on a alors prétendu que les féroces exécuteurs avaient éventré cette mère pour extraire le bébé de son ventre. Sauf qu'il ne s'agissait nullement d'un fœtus, mais d'un enfant déjà âgé de plusieurs mois. Il y a donc eu manipulation. C'est évident. Il fallait donner l'impression que la dictature du Conducator se livrait à de véritables massacres. Pour mieux justifier l'élimination de ce dernier. Oui, et le point de départ de cette manipulation, c'est l'affaire du pasteur Tokes. Une affaire montée de toutes pièces. Oui, mais comment pouvez-vous être aussi affirmatif là? Oh, c'est très simple. Tokes, refusant de quitter sa paroisse, est donc à l'origine des événements de Timisoara, même s'il n'est pas responsable des événements qui vont suivre. Or, le 22 décembre, c'est-à-dire le jour même où Chaussescu va être déchu, il accepte bien gentiment de partir, comme son évêque le lui a demandé dès le mois d'octobre. Curieux, non? Alors, bon, si je résume bien votre pensée, le pasteur Tokes n'a été qu'un instrument, mais qui l'a manipulé? Oh, les mêmes que ceux qui ont mis en œuvre cette opération de désinformation sur le chiffre des morts. Il s'agit, enfin soyons clairs, d'une manœuvre parfaitement concertée. Le scénario a été écrit des mois à l'avance, et les acteurs vont l'interpréter au mot près. Aucune improvisation, donc. Non, et pour bien décrypter cette première phase, il faut revenir un peu en arrière. Début décembre, on a vu arriver dans la région de curieux touristes. C'est-à-dire ? Ces hommes, jeunes et athlétiques, étaient, on le sait maintenant, des citoyens soviétiques disposant de visas de tourisme. Des agents. Ou plus vraisemblablement des membres des forces spéciales de Moscou. On va les retrouver dans les manifestations de soutien au pasteur Tokes et ils ne sont certainement pas étrangers aux actes de vandalisme qui vont pousser les forces de l'ordre à intervenir. Et donc à réprimer. Alors je vous le disais, c'est vrai, il y a eu des morts, quelques dizaines. Mais on est loin des chiffres que vont contribuer à propager les médias. Des chiffres qui ne cesseront d'augmenter. On ira jusqu'à parler de 60 000 morts. Et ces informations parfaitement mensongères seront reprises par les radios et les télévisions occidentales. Ce n'est évidemment pas innocent. Autre interrogation. Qui a tiré? Aujourd'hui encore, on ne sait pas. Car tant les hommes de la Securitat que les soldats présents sur place ont affirmé qu'ils n'avaient jamais été autorisés à faire usage de leurs armes. Ouais, mais il aurait pu y avoir des bavures. C'est une hypothèse qu'on ne peut exclure. Mais on peut aussi penser que les faux touristes dont je vous ai parlé se sont livrés des provocations. Et ils seraient responsables de ces dizaines de morts? Pourquoi pas? car contrairement à ce que prétendront les hommes qui vont accéder au pouvoir après la chute de Ceausescu, il ne s'agit nullement d'une révolution spontanée. Mais je veux bien vous croire, mais il vous faut me donner d'autres arguments que cette prétendue manipulation du pasteur Tocquès et de l'intervention des futuristes. Hein. Bon, d'accord. Alors, voyons la suite des événements. À Timișoara, les manifestants campent maintenant en permanence dans le centre de la ville. Et les militaires se sont solidarisés avec eux. Mais maintenant, c'est vers Bucarest qu'il faut regarder. Ceausescu, visiblement, n'a pas pris la mesure réelle de la gravité de la situation. Ou il a été trompé. En tout cas, il commet une erreur fatale. C'est d'ailleurs la seule chose que les comploteurs n'ont pas prévue. En refusant d'annuler une visite officielle en Iran. Cependant, dès qu'il revient à Bucarest, le 20 décembre, il se croit capable de reprendre la situation en main. Mais comment alors ? Il remet au pas quelques fidèles qui lui ont manqué dans l'armée ou la Securitate. Mais surtout, il compte sur son charisme personnel. Et à peine rentré, le Conducator organise le 21 décembre une gigantesque manifestation qui doit lui permettre de retrouver les ferveurs de la foule. Parce qu'il pense que les gens viendront l'applaudir ? Dans la Roumanie de Ceausescu, les gens n'ont guère le choix. Des cars, des camions viennent les chercher jusque sur leur lieu de travail. Ouais, meeting obligatoire, en somme. Avec applaudissements pré-enregistrés et sévère encadrement de la Securitate. Bah, c'est plus sûr. Hein. Mais ce jour-là, la machine si bien huilée a de sérieux ratés. Pourtant, au début, ça commence bien. Enfin, comme d'habitude, je veux dire. Ce qui signifie... Eh bien, comme prévu, la place du comité central est envahie par des milliers de personnes. Et les premiers orateurs prononcent des discours, sans surprise, qui condamnent les événements de Timișoara. Des événements provoqués par des éléments fascistes instrumentalisés par l'Occident. Oui, ça, c'est classique. Hein. Les réactions de la foule... Hein. Rien, rien. Tout le monde attend Ceausescu. Ah, c'est la vedette. Hein. C'est ça. Et enfin, il paraît. Sa femme Elena à ses côtés. Mais à peine a-t-il commencé à parler que la foule commence à s'agiter et à crier. Quelques spectateurs quittent même la place en hâte. Manifestation d'hostilité, hein. Pas encore, non. Mais soudain, on entend dans les haut-parleurs des cris et des crépitements d'armes automatiques sur la place... Les gens prennent peur. Ils ont l'impression qu'on leur tire dessus, comme à Timișoara. Bref retour sur les événements de Timișoara. Radu Portocala, écrivain dissident roumain exilé, vient de publier un livre très exhaustif sur la révolution roumaine. Extrait. Civil, jamais identifié, soldat de l'armée régulière, agent de la Securitate, agent de la milice, nombreux sont ceux dont il a été dit qu'ils ont tiré sur les manifestants de Timișoara, mais en fin de compte, aucun coupable n'a été trouvé. 20 ans plus tard, l'analyse des responsabilités piétine et ne semble pas pouvoir aboutir un jour. Qui a tiré ? C'est la question lancinante que se posent les habitants de Timișoara, ceux des autres villes gagnées par le mouvement et tous les Romains. Les anciens de la Securitate, que la nature répressive de l'activité qu'ils déploient accuse d'office, clament leur innocence et pour l'instant... Il n'y a pas de preuves contre eux. L'armée a été accusée à son tour également sans preuves. Les enregistrements audio et les sténogrammes des discussions qui eurent lieu ces jours-là au siège du comité central du parti révèlent une réalité à la fois paradoxale et embarrassante pour la suite des événements. Ce n'est pas Ceausescu qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. L'ouvrage de Portocala, L'exécution de Ceausescu, vient d'être publié par Larousse. D'où viennent ces bruits de tirs qui terrorisent la foule lors de l'allocution de Ceausescu? Ben, il s'agit d'une bande enregistrée. Ouais, alors, bon, qui peut avoir diffusé cette bande? Qui avait la haute main sur ce genre de manifestation? Ben, le grand organisateur, c'est-à-dire la Securitat. Bon, la Securitat, alors, qui trahit donc délibérément Ceausescu en diffusant cette bande. Ouais, c'est la vérité. Et à partir de ce moment, la fin du meeting est pitoyable. Le conducteur est complètement dépassé. Il a beau faire des promesses d'augmentation des salaires, la foule le conspue. D'autant que surgissent soudain, au milieu des spectateurs, des pancartes hostiles à Ceausescu. Du jamais vu en Roumanie. Et ça, c'est encore la Securitat, là? Bon, ça me paraît évident. Oui, mais les forces de l'ordre, que font-elles, alors? Ben, l'armée va intervenir contre les manifestants, mais en vain. Ce sont les opposants qui tiennent la rue. Et d'ailleurs, bientôt, les militaires vont fraterniser avec les insurgés grâce à une nouvelle manipulation. Encore. Alors, c'est quoi? Le 22, c'est-à-dire le lendemain de ce meeting raté, et alors que les opposants au régime sont toujours dans la rue, la radio roumaine annonce le suicide du général Milea, le ministre de la Défense. C'est un vrai choc pour tous les officiers. Vrai choc, pourquoi, là? Parce qu'ils traduisent aussitôt l'information. C'est Ceausescu qui l'a suicidé. Ceausescu qui lui reprochait sa tiédeur face aux manifestations. Ceausescu qui l'a tué, donc. Et la vérité? Je vais vous faire un aveu, je ne la connais pas complètement. Vous voilà bien modeste pour une fois. Tant pis, mais si on regarde objectivement les choses, à qui profite le crime? Aux comploteurs qui veulent se débarrasser du conducteur et commencent par éliminer le fidèle qui pourrait faire échouer leur plan. Et la conséquence ne se fait pas attendre. Dès l'annonce de la mort de Milea, l'armée tout entière bascule dans leur camp. Vous laissez donc penser que ce général aurait pu être abattu en réalité par ceux que vous appelez les comploteurs. Ça vous semble invraisemblable? Moi, pas du tout. Surtout quand on s'intéresse à la personnalité de l'homme qui remplace Milea. Le général Nicolae Militaru. Ça, c'est un patronyme prédestiné. En effet, oui. Militaru, formé en Union soviétique dans la célèbre académie militaire Frunze, a connu un incident de carrière assez grave. Dans les années 70, alors qu'il était sur le point de devenir secrétaire d'État à la Défense, un autre général, le chef des services secrets, l'a accusé d'être un agent du GRU. Le GRU, c'est l'organe de renseignement de l'armée rouge. Et ça, ça lui a créé des ennuis? L'affaire n'a pas été rendue publique, mais à partir de ce moment, Militaru a été mis sur la touche. Donc si je vous ai bien entendu, c'est donc un agent soviétique qui prend la tête de l'armée roumaine fin décembre. Et bien sûr, ça n'est pas anodin. Comme la présence des faux touristes soviétiques à Timișoara. Et vous commencez à comprendre d'où vient le coup. Quoi qu'il en soit, désormais, Ceausescu, sans le soutien de l'armée et d'une partie de la Securitate, est maintenant condamné. Et il ne reste plus qu'une issue, fuir. Oui, c'est ce qu'on a dit. Les manifestants qui marchaient le 22 décembre sur le palais présidentiel ont vu s'envoler un hélicoptère blanc. À bord, il y aurait eu Nicolae Ceausescu, sa femme, Elena, et leur garde du corps. Et ensuite, le pilote les aurait trahis et se serait posé en pleine campagne. Obligeant les Ceausescu à faire de l'autostop pour fuir. Mais reconnus, ils auraient été arrêtés. Comme Louis XVI et Marie-Antoinette à Varennes. Oui, mais cette version me semble improbable. Si Ceausescu avait vraiment voulu fuir, il aurait pu. Sous la menace au besoin, le pilote de l'hélicoptère aurait pu, en 2 heures, le transporter, lui et son épouse, hors des frontières du pays. Non, je crois que cette fuite est une nouvelle fable. En réalité, les époux Ceausescu ont été discrètement arrêtés et emprisonnés dans une cache secrète et ils ne réapparaîtront que lors de leur procès truqué. Mais alors, pourquoi cette fable de la fuite? Elle ajoutait à la vilainie du personnage. La fuite, c'est un aveu, l'expression de la lâcheté. Ceausescu, le monstre sanguinaire, a fui ses responsabilités. Il y a donc ensuite cet étrange procès, filmé, dont tout le monde se souvient. Oui, un film tronqué sur un procès stalinien où les prétendus avocats de la défense sont encore plus impitoyables que le procureur. Non, tout ça, une nouvelle fois, ressemble à une pièce écrite à l'avance. Et moi, ce qui m'interroge, c'est le suicide. Le suicide, encore un suicide? Encore un, oui. Le suicide de l'accusateur du procès Ceausescu, le général Popa. 3 mois seulement après cette étrange révolution, en mars 1990, pourquoi ce général s'est-il donné la mort? Quel remords le poursuivait ou quel secret détenait-il? Et vous pensez que lui aussi aurait pu être éliminé? On peut se poser la question. Mais les événements roumains de cette fin 89 sont si étranges. Tenez, encore un détail capital. Vous savez que les nouveaux dirigeants autoproclamés ont prétendu, après la fuite de Ceausescu, et même après son procès, que ses partisans n'avaient pas renoncé. On a même parlé de mercenaires arabes. Et c'est vrai qu'on a entendu de nombreux coups de feu nocturnes dans les rues de Bucarest. Les terroristes, comme on les appelait, étaient à l'œuvre. On a parlé de snipers. Oui, bien, dans la plupart des cas, ces snipers étaient des simulateurs de tir chargés de balles à blanc, du matériel appartenant à l'armée romaine. Et installés donc par le nouveau pouvoir, mais alors dans quel but, là? Persuader la population que tout danger n'était pas écarté et qu'il fallait donc faire bloc autour des nouveaux dirigeants. Ouais, peut-être, mais il y a quand même eu des vrais morts, si j'ose dire. Tout à fait. Dans la nuit du 22 décembre, on a compté de nombreuses victimes, peut-être même des centaines. Certains ont été écrasés par des blindés ou des camions militaires, mais d'autres ont été tués par des tireurs qu'on n'a jamais identifiés et qu'on n'a même jamais cherché à identifier. C'est l'un des mystères de cette curieuse révolution. Je ne suis pas le seul à penser que des groupes de tireurs ont commis des crimes aveugles dans le seul but de persuader la population qu'il y avait toujours danger. Et que les nouveaux dirigeants étaient par conséquent les sauveurs de la patrie. Ah, c'est exactement ça. A-t-on quand même une idée du nombre des morts? Certains observateurs fiables ont avancé le chiffre de 1000. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que le nombre de victimes qui peuvent être imputées à Ceausescu au cours de ces événements de décembre. Mais, alors, depuis le début de cet entretien, là, vous me parlez de manipulation, de complot... Bien sûr. Les comploteurs, ce sont les gens qui ont conquis le pouvoir. Alors, Iliescu, le futur président? Oui, mais aussi beaucoup d'autres. Bokan, par exemple, dont nous avons beaucoup parlé dans la première partie de cet entretien. Et ce qui est notable... c'est que tous ces hommes avaient été à un titre ou un autre, des notables du système Ceausescu. Ouais, des communistes. Ouais. Oui, mais des communistes devenus gorbatchéviens. Ouais, Gorbatchev, alors ça y est, nous y voilà. Oui, le cerveau du complot se trouvait au Kremlin. Gorbi voulait éliminer Ceausescu à condition que le parti demeure au pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si les informations sur les prétendus massacres ont été données par des radios influencées par les communistes. Ouais. Mais les radios... américaines, là, comme Radio Free Europe, ont aussi participé à la désinformation. Des radios contrôlées par la CIA, c'est juste. Mais Gorbatchev avait passé une sorte de deal avec son homologue George Bush. Le père. Un deal préparé par la visite de Brokan en Occident. Et le président américain a donné son accord au complot visant à se débarrasser de Ceausescu. Mais sans participation de la CIA. Et vos propres informations, d'où les tenez-vous, là? Vous avez promis une réponse la semaine passée, hein? En France, dans les services, on connaissait très bien la Securitate, qui nous avait souvent créé des difficultés dans le passé. Et on savait que cette terrible Securitate était infiltrée au moins à 50% par le KGB. Il était facile d'en conclure que Gorbatchev pourrait liquider Ceausescu quand il le voudrait. Et si vous pensez que je vous raconte des histoires, demandez-vous pourquoi la Securitate, qui faisait si peur aux Roumains, n'a pas été épurée après la Révolution. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Très bonne observatrice de la Roumanie, l'universitaire Catherine Durandin, associée à sa collègue roumaine Zoé Petré, analyse les motivations des citoyens qui sont descendus dans la rue en décembre 1989. Et elle note ceci. Liberté, c'est ce que chantent les jeunes assiégés place de l'université à Timișoara dans la nuit du 21. Nous mourrons, mais nous serons libres. Le projet politique des révoltés de la rue n'est pas novateur, mais il est simple et clair. En finir avec le communisme pour restaurer la démocratie. Ailleurs, des groupuscules secrets et conspiratifs traçaient peut-être l'esquisse de projets plus précis, en déclinant sans doute en roumain les restes du printemps de Prague, l'illusion d'un communisme à visage humain et la perestroïka de Gorbatchev. Mais ces conspirateurs n'étaient pas dans la rue. Le malaise, vite perçu aussi bien en Roumanie qu'à l'étranger, vient de là, de l'enchevêtrement de faits et de fictions, de vérités et de mensonges, dont l'objectif essentiel est celui d'occulter la double nature de la révolution roumaine, le fait que l'équipe qui s'est emparée du pouvoir en se proclamant l'émanation de la révolution est précisément celle qui n'avait pas participé à la révolution, ou du moins à la révolution réelle, tout en jouant les protagonistes de la révolution en direct, du spectacle télévisé de la révolution. Un extrait tiré de la Roumanie Post 89, paru en 2008 chez l'Harmattan. Vous savez comment on appelle l'épuration politique dans les ex-démocraties populaires ? La lustration. Oui, ce qui veut dire, lustration, c'est purification. À peu près, oui. La lustration, c'était une cérémonie religieuse en usage dans la Rome antique. Ouais, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de religieux dans cette épuration des anciens communistes. Exactement. Mais c'est une parenthèse. Ouais. Alors, revenons en Roumanie. Il est évident que si les promoteurs du complot qui a débouché sur la révolution avaient vraiment voulu faire la lumière sur les crimes du régime communiste, ils n'auraient pas commencé par exécuter leur principal instigateur. Ceausescu, oui. Naturellement. Et ça donne l'impression qu'en organisant ce procès caricatural et en condamnant à mort le conducteur à la va-vite, on a voulu éliminer un témoin gênant. Le témoin numéro un, oui. Oui, celui qui savait tout, en particulier sur les hommes qui ont pris le pouvoir et qui tous étaient issus de la sphère communiste. Et qui avaient donc peu ou prou été compromis avec le régime. Enfin, passons et voyons la suite. Bien entendu, à Moscou, on nie toute ingérence dans les affaires roumaines. Oui, mais ça, il pouvait en être autrement. Et on défend bec et ongle la version de la révolution spontanée. Une thèse qui, bizarrement, est reprise par la plupart des diplomates occidentaux. Dont notre ambassadeur en poste à Bucarest. Oui, alors que certains des conjurés l'avoueront eux-mêmes plus tard. Le plan avait été élaboré depuis de longs mois, peut-être même des années. Vous le savez, dès les premiers jours, le pouvoir est occupé par un mouvement qui s'est baptisé Front du Salut National et qui a porté à sa tête Ion Iliescu. Un homme dont la biographie est tout à fait éclairante. Que voulez-vous dire là ? Iliescu a fait ses études à Moscou. Et d'après certaines sources, il aurait alors très bien connu Gorbatchev. Ce que, curieusement, il a démenti. C'est quand même pas un péché d'avoir fréquenté Gorbi, Non, mais Iliescu voulait écarter tout soupçon de connivence. Après ses études, le jeune homme revient à Bucarest. Et là, il gravit les échelons à toute vitesse. Les échelons du parti ? Oui, c'est un apparatchik, pur sucre. Et il arrive très près du sommet, puisqu'il en vient à diriger le principal organe du parti, le secrétariat national. À partir de ce moment, on voit déjà en lui le successeur naturel de Ceausescu. Mais ça, c'est dangereux, Oui, vous avez raison. Et en 1984, c'est la disgrâce. Iliescu tombe de son piédestal et on le relègue à la direction des éditions techniques. Et à mon avis, c'est à peu près à cette date qu'il commence à penser sérieusement au moyen de renverser Ceausescu. D'autant que son ami Gorbatchev là, va bientôt occuper le Kremlin. En tout cas, lors de la révolution, il s'impose très vite à la tête de ce Front du Salut. En fait, je suis persuadé que l'organigramme de cet instrument de pouvoir avait déjà été mis au point. Bien avant la révolution. Je suis certain. Et tous les membres de cette instance avaient, à un moment ou à un autre, frayé avec l'ancien pouvoir. Il est d'ailleurs symptomatique que parmi les chefs d'accusation retenus contre Ceausescu, au cours de son procès, on lui est reproché d'avoir souillé les vraies valeurs du communisme. Alors d'après vous, ce que voudraient les nouveaux dirigeants, c'est que la Roumanie continue d'être communiste, hein, mais différemment. Oui, à la mode gorbatchevienne, ça me semble évident. Et pourquoi pas, après tout. C'était aussi le projet d'un Dubček lors du printemps de Prague. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que de nombreux hommes de la Sécurité restent aux commandes et sont même promus. On s'en aperçoit dès le mois de janvier 1990, lorsqu'on apprend qu'un des policiers les plus redoutés, un spécialiste des interrogatoires, Dumitru Mazilou, est devenu expert de l'ONU pour les droits de l'homme. Vous êtes sérieux, là ? Ah, tout à fait. Et ce Mazilou a même pu revenir impunément en Roumanie. Et sans qu'on lui demande de compte, alors. Et ce tortionnaire sera même plus tard nommé ambassadeur. Mais tout de même, enfin, au moins sur le papier, la Securitate n'existe plus. Elle a juste été remplacée par un nouvel organisme, le SRI, Service Roumain d'Information. Mais beaucoup d'anciens officiers ou d'agents sont demeurés en place. D'ailleurs, c'est un ancien apparatchik qui est parachuté à sa tête. Virgil Magureanu, chargé par Ceausescu de la formation des cadres du parti, n'est entré en dissidence qu'en mai 1989. Il était temps, là. Et malgré le fait qu'il ait été placé en résidence surveillée, Iliescu a pu lui rendre visite à plusieurs reprises. J'ajoute que ce personnage a fait partie du tribunal qui a jugé Ceausescu et qu'il va occuper la tête du nouveau service de renseignement jusqu'en 1997. Donc si je vous comprends bien, là, bah, il n'y a eu aucune épuration ou lustration. Mais c'était impossible, puisque tous les gens au pouvoir étaient issus de l'ancien système. Il n'allait quand même pas se faire harakiri. Et puis, il ne faut pas oublier que les méthodes utilisées par la Securitate, espionnage et surveillance permanente des citoyens, avec l'aide de nombreux mouchards, avaient compromis beaucoup de Roumains. Qui n'avaient pas la conscience tranquille. Non. Bah, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit aussi que les nouveaux maîtres du pays n'hésitent pas à reprendre à leur compte les vieilles ficelles du passé. En juin 90, après la triomphale élection de Ion Iliescu à la présidence, des intellectuels et des étudiants manifestent contre le gouvernement néo-communiste. Le pouvoir, prétextant une menace fasciste, envoie contre les mineurs. Et les heurts vont être très violents. Hein, officiellement, l'intervention musclée des gueules noires a provoqué la mort de 6 personnes. Mais en réalité, il y en a eu beaucoup plus. On a observé dans les facultés de véritables chasses à l'homme. Et il faut noter qu'à chaque fois que le pouvoir sera menacé, il brandira le spectre de cette menace du complot fasciste, souvent téléguidé par l'étranger, quitte à nouer d'étranges alliances avec les franges les plus nationalistes de la société roumaine. Mais Iliescu va finir par passer la main. En 1996, oui. Et c'est un président démocrate chrétien qui est élu, Émile Constantinescu. On pourrait alors s'attendre à ce qu'une véritable épuration intervienne. En principe, oui. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Il y a de nombreuses résistances. Malgré le limogeage du patron du SRI, Virgil Magureanu, il faut attendre 1999 pour qu'une loi crée le CNAS, le Conseil National pour l'étude des archives de la Securitate. Dorénavant, n'importe quel citoyen roumain peut avoir accès au dossier le concernant. Ça, c'est un progrès certain. D'accord, mais à condition que ces archives soient accessibles. Or, c'est le service de renseignement, le SRI, qui a hérité des dossiers de la Securitate et il n'entend nullement s'en séparer. Au mépris de la loi, donc. Parfaitement. Et le retour d'Iliescu à la présidence en 2000 entrave l'application de la loi. D'ailleurs, le nouveau gouvernement annonce franchement la couleur. Il demande l'amnistie pour les événements de 1989. Et donc la manipulation qui a porter les communistes réformateurs au pouvoir. Iliescu s'accrochant toujours à la thèse officielle, la spontanéité de la révolution. Et l'absence de toute ingérence étrangère. Évidemment. Non. Donc il ne faut rien attendre de ce président réélu. Non. Et en même temps, le débat se déplace aussi sur le plan économique. Car on s'aperçoit que le maintien à leur place de nombreux officiers de l'ancienne Securitate n'est pas étranger à la corruption croissante de la société roumaine. Mais comme en URSS avec le KGB, au fond. Oui, cette corruption roumaine est un sujet préoccupant pour tous les Européens. Oui, car la Roumanie va bientôt rejoindre l'Union Européenne. Hein. C'est cela, et ce sera fait en 2007. Et elle a déjà adhéré préalablement à l'OTAN. Hein. Oui, en 2002. Et malgré la présence au pouvoir des anciens communistes, le pays se rapproche de plus en plus des États-Unis. Mais il faut remarquer que le gouvernement de Bush Jr. ne se montrera pas trop regardant quant à sa coopération avec des personnages qui ont été d'autrefois liés à la Securitate. Toutefois, on va noter un changement radical en 2006. Un nouveau président a alors remplacé Iliescu, Traian Băsescu. Et pour la première fois, la campagne électorale a porté en partie sur la question de l'épuration. Pourquoi si tard? Parce que des militants venus de la société civile ont poussé à la roue et même réveillé l'opinion publique. 17 ans après la chute de Ceausescu. Hein. Oui, il aura fallu attendre très longtemps. Il convient d'être méfiant, car il ne faut pas que cette épuration se transforme en chasse à l'homme et permette de régler quelques comptes. C'est-à-dire l'exhumation opportune de quelques dossiers, peut-être un excellent moyen de se débarrasser de certains adversaires politiques. Ah oui. La transparence peut être dangereuse. Quand elle est mal utilisée, oui. En tout cas, il est vrai qu'il existe une véritable volonté de faire la lumière sur les années obscures de l'ère Ceausescu. Mais est-ce encore possible? C'est en effet toute la question. Car il est vrai que le Conseil national pour l'étude des archives de la Securitate a enfin reçu communication de quelques dossiers. Et le transfert s'accélère. Mais il en reste des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, qui sont toujours détenus par le service de renseignement roumain. Et puis, on peut aussi s'interroger sur l'état de conservation de ces archives, entreposées dans un hangar ouvert aux intempéries. Ah, elles vont se détériorer. C'est peut-être le but recherché. Alors pour finir, je voudrais rendre hommage à un personnage obstiné. Un ancien archéologue qui consacre désormais sa vie à l'étude des crimes de la Securitate. Il a même obtenu la création d'un institut public et indépendant. Mais cette année, son budget a été réduit de 20%. En outre, son travail n'est pas sans risque. Déterrer de vieilles histoires, ça peut être dangereux. Et cet homme, Marius Oprea, a souvent été menacé. Et il a jugé plus prudent d'envoyer sa femme et son fils à l'étranger. Une citation pour conclure, je l'ai trouvée dans le petit livre passionnant de l'écrivain Radu Portocala, qui a fui la Roumanie en 1977. « Ce qui ne peut se comprendre, c'est l'obstination agacée avec laquelle pendant 20 ans, les Occidentaux ont refusé non seulement d'apprendre la vérité, mais aussi de l'écouter lorsque des voix, ici et là, l'ont proclamée. Elle est sans doute peu flatteuse, cette vérité, mais elle est en même temps utile pour la compréhension du présent et de l'avenir. À l'Ouest, les raisons de cette volonté d'ignorer sont différentes de celles qu'on peut soupçonner en Roumanie ou ailleurs, en Europe centrale et orientale. Les résultats, eux, sont les mêmes. Dans ces contrées, lorsque quelqu'un vous tend la main, vous ne pouvez pas savoir si cette main ne commettait pas, il y a 20 ans, les pires abominations. C'est l'effet le plus insupportable de ces pseudo-révolutions suivies de pseudo-changements. Il est certain qu'en les préparant, les metteurs en scène se moquaient des susceptibilités morale. À noter aussi le travail de Marius Oprea depuis 20 ans et raconté par Mireille Bran dans son livre « Roumanie, 20 ans après, le chasseur de la Securitate ». Quant au livre de Portocala et d'autres livres cités sur notre site, vous les trouverez bien sûr sur franceinter.com. Et je vous rappelle le nouveau tome des dossiers secrets de M. X, Les grands espions du XXe siècle chez Nouveau Monde, édition coéditée par France Inter. Et comme c'est Noël, un beau livre-objet, Paroles de l'ombre de Jean-Pierre Guénaud aux éditions des Arènes dans la célèbre collection Paroles de. À samedi prochain, Valérie Ayestaraï, Stéphane Combe, Rebecca de Nantes, Monsieur Le Joux m'ont aidé à préparer ce programme. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.